je pense que c'est le moment d'accueillir Julien B. Notre, allons-y. Notre cher compère de Gold FM. C'est bonsoir, notre Julien. Premier invité du soir. Salut Julien. Salut les gars, comment ça va? Ben bien, bien, en forme, tranquille, et toi? Ouais, bah une journée compliquée, une journée un peu éreintante, mais écoute, ça va, ça va. C'est le bon mot, éreintante. Je crois que j'ai jamais passé autant de temps à essayer de choper des infos à droite à gauche. En plus, c'est horrible parce que t'envoies un message, t'attends la réponse, tu l'as pas de suite, donc c'est assez compliqué. Donc voilà. Ouais. Vas-y Julien, je t'en prie. Non, mais j'allais dire, c'est normal, hein, avec ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, c'est quand même surréaliste. Quoi. Comment tu l'as vécu? Voilà, j'allais te dire, parce que toi, t'étais dans alors, le... C'est marrant, parce que situation exceptionnelle, émission non exceptionnelle sur Gold, puisque on avait décidé cet été, pour les matchs notamment du deuxième tour, du troisième tour, de ne pas faire d'après-match. Ce qui fait que, exceptionnellement, on n'a pas suivi la conférence de presse, ce qu'on aurait pu faire en temps réel et ce qu'on fait d'habitude. Donc, on est entre guillemets, c'est dur de dire, mais on est passé un peu à côté de l'événement parce qu'on n'en faisait pas d'après-match. On avait décidé de se concentrer plutôt sur le barrage et puis sur les premiers matchs de Ligue 1 qui sont pour nous plus importants parce que ça semblait fait déjà avec le match aller pour cette rencontre. Donc voilà, c'est vrai que c'était une situation un peu exceptionnelle pour nous. Bah, on est passé à côté du truc, mais ça nous a pas empêché de suivre évidemment de très très près ce qui s'est passé puisque j'avais mon compère que vous connaissez bien, Laurent Brun, qui m'envoyait des textos sur tout ce qui se passait du côté de la conférence de presse. J'ai une question, moi, Julien. Est-ce que tu as été surpris? Surpris, au départ, oui. Parce que, je veux dire, à Bordeaux, à part époque Baize, où on avait un président qui était capable de péter les câbles comme ça, c'est, enfin, moi, en tout cas, de mémoire de journaliste, c'est la première fois que je vois un entraîneur vraiment péter un câble comme il l'a fait hier. Après, on va pouvoir parler du contenu de cette conférence de presse, mais faire ce qu'il a fait hier, c'est voilà, de mémoire de journaliste. Enfin, comme moi, c'est inédit. C'était dingue. Je recevais des textos. J'étais en train de remballer toutes mes affaires. C'était complètement dingue d'entendre ce qui se passait en conférence de presse et puis après de voir les images. J'ai regardé les images ensuite de cette conférence de presse totalement hallucinante. Adrien, Cyril. Oui, non, mais sur la conférence de presse, c'est surtout la question sur... T'as eu des compères journalistes qui t'ont parlé de la réaction de Martin, qui a dû faire une réaction calme. Non, enfin, il savait pas ce qui allait se passer, surtout. Non, il savait pas ce qui se passait, mais déjà, il était encore en train de... Vous savez, le président se trouve dans les loges dans ces moments-là, puis il y a tous les partenaires qui sont là, donc il y a aussi le rôle du président d'être avec certains partenaires dans la loge du président. Et non, la scène qui a été surréaliste et qu'on m'a racontée, c'est que quand ça s'est passé, vous avez peut-être suivi déjà, Gustavo Poyet a pas très bien parlé à Aurélie Carré, l'attaché de presse des Girondins, et ce qui s'est passé est vraiment surréaliste, c'est dans les couloirs, les membres de Girondin.com et Aurélie qui sont mis à piquer un sprint après la conférence de presse de Gustavo Poyet pour aller tout de suite avertir le président de la situation et qu'il fallait vite qu'il y ait une réaction, qu'il fallait vite avoir un communiqué de la part du club. Alors, tu parles d'une réaction, alors moi ce qui m'a fait quand même tiqueter, c'est qu'on ait besoin d'attendre la fin. Je pense que déjà dès les premières fois on pouvait aller prévenir Martin qu'il écoute tout, mais au final c'était compliqué parce que dans la conférence de presse Aurélie Carré, elle est à côté de celui qui est en train de parler, en l'occurrence, oui. C'était Gustavo Poyet, et les membres de Girondin.com, ceux qui sont là pour faire les réactions, il y en avait qui étaient en zone mixte, donc ils n'étaient pas au courant de ce qui se passait, et d'autres qui étaient justement à cette conférence de presse. Ils n'allaient pas se lever en plein milieu en courant, c'était déjà assez tendu comme ça. S'ils avaient fait ça, je pense que ça aurait pu péter encore plus le câble. Mais là, il y a de la part du club, on a l'impression d'avoir une bombe qui a grossi toute la soirée, qui a grossi toute la journée, parce que pour moi, elle a pas éclaté. On a des clans de supporters qui se sont créés. Réellement, il y a les anti-Poyettes et les pro-Poyettes. Il y a les pro-directions, il y a les anti-directions, les pro-ramés, les anti-ramés. Il y avait déjà ça pour Gourvenec aussi. Il y avait déjà ça. Il y a eu ça aussi sur Carasso. Ça fait deux fois. Deux fois que le directeur sportif est juste absent des ondes. Et là, de beaucoup, alors, c'est assez marrant parce que des sons de cloche que moi j'ai eu dans la journée, c'est que Poyet ne visait pas forcément Ramé, mais plutôt la direction Martin de Taverneau. Cependant, quand tu l'analyses froidement et que tu vis les choses de l'extérieur, et tu fais comme tout le monde, il est en train de mettre un scud à Ramé en plein dans sa tronche. Et pas de réaction, toujours aucune réaction. Alors le club peut pas trop réagir à cause de la semaine, peut-être qu'ils parleront plus après, mais ça te paraît pas bizarre que le directeur sportif se laisse comme ça traîner C'est étonnant, c'est soit alors, un manque de on va me dire que je suis à la bonne du club, mais je vais vous expliquer un truc, c'est que Ramé, officiellement et techniquement, il n'a pas le rôle de directeur sportif. Il est directeur technique des Girondins de Bordeaux. C'est pas, ou alors, vous allez me dire, oui, mais c'est le rôle de directeur sportif. Oui, mais je pense qu'il n'a pas toutes les capacités et tout le rôle entier du directeur sportif des Girondins de Bordeaux. Je pense justement qu'au niveau de la communication, il a pas le choix. Je pense que c'est le club qui verrouille ça, et je pense que c'est à Stéphane Martin d'être en première ligne, qui est président délégué et qui a justement ce rôle de communicant. Et que n'a pas Ulrich Ramé. Donc Ulrich Ramé, il réagit pas parce que, un, peut-être, je ne sais pas, je parle en tant que personnellement, mais je pense qu'Ulrich Ramé ne se sent pas forcément visé, je pense, par les propos de Gustavo Poyet, et je pense que réellement, Stéphane Martin est le communicant et le référent pour communiquer des Girondins. Ouais, mais il est le président délégué. Si lui ne se sent pas visé, j'espère que les community managers des Girondins de Bordeaux qui traînent sur Twitter et Facebook remontent quand même. Évidemment, ils l'ont vu. Après, c'est peut-être son choix aussi personnel de ne pas répondre, de ne pas rentrer dans la polémique. Ça pourrait être... il faut penser club. Ça pourrait être la cacophonie. Si on avait un entraîneur, un directeur sportif, un président qui également donne son avis, ouais, ça serait... Enfin, déjà, c'est assez compliqué de savoir, et on va pas se le mentir, le rôle de chacun. Donc, si en plus, on vient rajouter ça à la communication et que ça part en totale cacophonie, ça va pas du tout. Le vrai problème, il vient de Gustavo Poyet et de son rôle au sein du club. Je ne sais pas s'il s'est cru lui-même être un manager à l'anglaise. Je ne sais pas s'il a pas compris les prérogatives qui lui étaient données. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un réel problème. Et il y a eu un réel problème de communication en termes mercato, parce que finalement la bombe, Marc parlait d'une bombe, cette bombe elle grossit depuis le début du mercato, où Gustavo Poyet, déjà je pense, et là on peut être de son côté, n'a pas été content de ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'attente qui s'est formée avant que les premières recrues arrivent, en raison aussi, et ça faut le comprendre, de la vente du club. Alors après, qu'on dise que ça s'est pas bien fait de la part des dirigeants, trucs qui n'ont pas fait les choses dans les temps. Et bon, ça c'est dans les secrets du château, on peut pas le dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un problème à ce niveau-là et que Gustavo Poyet, il s'est mis un peu la pression. Il a eu raison. Il a eu raison de mettre la pression sur le fait que c'était pas normal qu'il n'y ait pas eu de recrue et qu'il n'y ait pas de recrue alors qu'on allait commencer en plus une compétition très importante pour le club. Et donc jusque-là, il a eu raison de partir en live. Sauf que je pense que après, il y a eu dans sa tête quelque chose qui a vrillé totalement. Ça a vrillé parce que il a eu énormément de noms qui lui ont été proposés. Vous avez peut-être entendu, et ça a été énormément commenté sur les réseaux sociaux, l'intervention de Baptiste Le Caplain chez nos confrères de RMC hier soir, qui, je vais le dire, malheureusement, il n'a pas mis les formes dans ce qu'il fallait dire. Ah, il a été bon. Hein. Il a entièrement raison. Non, mais il a pas mis les formes. Ça c'est sûr, il y avait pas la forme. Guignol, etc. On peut pas parler comme ça. En tant que il a parlé avec son. Voilà, il a parlé avec son cœur. Je pense que moi, Baptiste, je le connais un peu, et malheureusement, sa parole a dépassé un peu sa pensée. Mais clairement, sur le fond, il a raison. C'est Gustavo Poyet qui a envenimé les choses. C'est pas Gustavo Poyet qui est allé demander des choses. Julien, c'est Gustavo Poyet qui a envenimé les choses par-dessous. Julien, ça, et je pense que c'est ça le problème. La place que prend Poyet, on peut pas lui reprocher de la prendre, parce que finalement, c'est quelqu'un qui ne prend pas la sienne à Bordeaux. On n'a jamais vu un directeur sportif fort. Il savait à la base, est-ce qu'il avait compris à la base que ce rôle était un rôle non pas de manager à l'anglaise, mais d'entraîneur à la française. Est-ce que ça lui avait été précisé ou défini? Ça, je peux pas le dire. Je suis pas dans le secret du château. Des bruits qu'on a entendus récemment, Julien, c'est que justement, les batailles, c'était surtout sur les noms pour pouvoir faire les joueurs de ses agents et compagnie, qu'on n'a jamais su mettre le haut là, et la direction a jamais su s'imposer par rapport à Poyet. Et finalement, si on s'impose pas par rapport à lui, c'est un petit peu celui qui a les plus gros biscottos, quoi. Les infos, moi, en termes d'agents, etc., c'est peut-être vrai. Bon, moi, j'ai pas l'info là-dessus, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que réellement, et l'info, elle est vraie, ils lui ont proposé entre 15 et 20 noms, et qu'à chaque fois, il les a refusés. Alors que les noms étaient, et je vais pas les révéler, mais j'en ai quelques-uns, étaient plutôt des choix très, très intéressants pour les Girondins de Bordeaux. Et peut-être que sous Corvenec, on les aurait signés immédiatement. Pour compléter ce que tu dis, et pour compléter ce qu'a dit Cyril, moi, toute la journée, j'ai gratté des infos. Il y a des transferts qui auraient pu être faits en juin et qui ont été retardés par le coach. Ça, alors pareil, je le redis comme j'ai dit en début d'émission aux auditeurs, vous êtes libres ou non de croire les informations qu'on avance, puisque ben, ce ne sont pas des informations qu'on peut assurer à 100%, puisqu'elles nous ont été transmises par d'autres. Mais des infos que nous on a eues, c'est que ben, Poyet a refusé ou fait tarder des noms de joueurs qui étaient accessibles financièrement aux Girondins. La Coupe du Monde est passée par là, et quand il a fallu redébattre de ces noms, etc., les joueurs n'ont pas été, n'étaient plus transférables à Bordeaux parce que les prix avaient doublé. D'autres infos qui ont tendance à dire aussi qu'en réunion, Martin a même été jusqu'à dire bon écoute, tu veux qui, et que le joueur, le coach n'était pas capable de donner un nom. Donc aujourd'hui, c'est très difficile de démêler le vrai du faux. Moi, j'ai même pas envie de prendre parti à dire c'est Poyet qui a raison ou c'est Poyet qui a tort. Mais aujourd'hui, pas, le mal que j'ai, c'est une déclaration comme ça qui a été faite. On aurait dit le mec, il se faisait péter, il se mettait un couteau dans le ventre tout seul parce qu'il avait envie de sortir. Mais j'arrive pas à croire. J'arrive pas à croire qu'il n'était pas au courant. C'était préparé, mais tout le monde vous dira que c'était ça le sentait à la fin de l'interview de Gustavo Poyet. Tout était calculé depuis ce matin, et la fameuse heure de 11h45 qui disait en conférence de presse qu'il y avait la non-arrivée de Laborde, on s'en sentait, il avait tout préparé, il savait qu'après le match, victoire ou pas victoire, malheureusement il y a eu victoire, je pense qu'il y aurait eu défaite, ça aurait pu rajouter un peu de piment un peu à son intervention, en l'occurrence il y a eu victoire, mais il avait préparé cette sortie, clairement. Et bon, est-ce que lui aussi, sa parole un peu comme artiste a dépassé sa pensée, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est tiré une balle dans le pied tout seul, mais est-ce qu'il voulait pas se la tirer, la balle dans le pied? Julien, juste sur parce qu'on n'a pas reprécisé sur ce que reproche, sur ce qu'a reproché en conférence de presse hier spécifiquement Gustavo Poyet, parce qu'on a entendu un petit peu tout, les gens s'enflamment un petit peu sur tout et n'importe quoi depuis hier soir. Il n'a pas reproché au FCGB d'avoir vendu Gaëtan Laborde. Lui-même, il l'a dit lui-même, il était d'accord pour que Gaëtan Laborde quitte les Girondins et aille à Montpellier, le club était d'accord. Lui, juste ce qu'il a de ce que lui il dit, voulu qu'il soit c'est que le club voilà aurait dit ok, avant on te le remplace et après on le vend. Et lui, ce dont il s'est étonné, c'est et c'est peut-être vrai, on n'en sait rien. Enfin, du moins moi, j'ai pas la vérité absolue. Ben que le club aurait entre guillemets pas respecté cet accord de d'abord vendre Gaëtan Laborde alors qu'il l'avait pas, parce que mine de rien hier. Comment s'appelle-t-il, Gustavo Poyet, il a un attaquant valide, c'est de Préville, sur son match. Oui, mais donc sur ce match-là, peut comprendre que ça allait un petit peu il a pris jeune. Sur ce match-là, Sébastien, sur ce match-là, oui, il a que de Préville. Mais en l'occurrence, pour tous les gens qui disent et qui ont bien entendu comme moi que Gustavo Poyet disait, moi j'attendais qu'on le remplace. Il n'y a pas eu Jimmy Briand qui arrivait il y a quelques jours. Hein. Oui, d'ailleurs, pourquoi il était joué pas hier? Numériquement, il n'était pas qualifié. Bah, non, mais est-ce que Jimmy Briand n'est pas arrivé dans l'effectif? C'est ça. Je me pose la question, parce que est-ce que Gustavo Poyet a totalement éliminé de son esprit que Jimmy Briand est arrivé pour occuper le poste d'attaquant, ou c'est moi qui comprends pas bien? Est-ce que là, il n'y a pas clairement de la part de Gustavo Poyet un oubli fait exprès de l'arrivée de Jimmy Briand? Parce que finalement, Jimmy Briand, il arrive, aucun attaquant n'était parti encore. Gaëtan Laborde est le premier à partir. Je me pose la question. On sait qu'on a besoin d'un grand attaquant qui va arriver sûrement, etc. Ils sont en train de chercher. Mais en l'occurrence, c'était un départ, une arrivée pour un départ. En l'occurrence, là, il y avait Gaëtan Laborde, il est parti, mais il y a eu l'arrivée était avant. Oui, mais après, de Jimmy Briand. Après, Briand n'était pas qualifié pour ce match-là. Mais moi, tu sais ce qui me gêne. Non, mais c'est peu importe le match. Parce que Gustavo Poyet, il parle pas du match. Gustavo Poyet, bien sûr, il dit qu'il a pas de joueur, évidemment, hein. Et il y a que de Préville, etc. Mais bon, comme disait Baptiste, et il a raison là-dessus, ça l'a pas empêché de mettre déjà son carré devant. Carré, voilà. Donc bon, voilà. En l'occurrence, moi, je trouve que l'argument de Gustavo Poyet n'est pas bon, puisqu'il a eu un attaquant qui est arrivé dans l'effectif, c'est Jimmy Briand. Donc le but, c'était que comme Jimmy Briand arrivait, c'était que Gaëtan Laborde parte, puisqu'en plus, c'est Gustavo Poyet qui voulait le départ. Oui, Poyet, des infos qu'on a glanées aujourd'hui, c'est que Poyet voulait le départ, et de ça, dès juin, il avait signifié aux joueurs qu'il ne comptait ni sur De Préville, ni sur Laborde. Donc ça, après, il peut les trouver bons ou pas bons, le débat n'est pas à cet endroit-là. On peut trouver qu'il avait raison de ne pas vouloir ces joueurs-là. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est que ces joueurs-là, il y en a un, il aura zéro offre, hein. De Préville, on le vendra pas, c'est très très compliqué. Et Laborde, c'est la seule offre. Quand c'est la seule vraie offre concrète qu'il y a eu pour Laborde. Quand Montpellier met un ultimatum aux Girondins, je vois pas comment les Girondins peuvent le dire à Montpellier, écoute, ben non, on ne vend pas. Quoi. C'est là typiquement que Gustavo Poyet ment, parce qu'il était au courant la veille que Gaëtan Laborde partait le lendemain pour aller toute la France, vous savez. Avec Montpellier. Il était au courant. Il était au courant qu'il partait. Alors, est-ce qu'il voulait que Gaëtan passe avant à l'hôtel pour dire au revoir? J'en sais rien. On n'est pas dans la tête de Gustavo Poyet, mais peut-être qu'il aurait voulu que Gaëtan Laborde vienne avant et qu'il y ait quelque chose un peu plus d'officiel avec son coach. Ou alors, est-ce qu'il n'a pas du tout aimé le fait qu'il soit parti direct? Et voilà, le club lui avait donné son autorisation. Il est parti négocier et ça s'est fait. Et voilà. Mais Gustavo Poyet est un menteur de dire qu'il n'était pas au courant. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de timing dans sa sortie, dans sa communication? Ça veut dire qu'il le fait une semaine trop tard presque, ou la semaine où il reçoit 4 recrues. Et c'est là où il décide de péter un plomb d'un seul coup en prétextant la sortie sur Laborde. Oui, et même le truc où il accuse le journaliste de ne pas citer sa source, parce que cette info-là, elle sort. Ça, c'est vrai, il le dit pas. Ouais, non, ça aussi, c'est facile de dire. Ne me coupe pas là-dessus, s'il te plaît. Dans le sens où nous, la première émission de l'année, ou la deuxième, on a ce journaliste qui a fait ce papier-là à l'antenne. Il a déjà eu 4 après-matchs. Le coach, 4 après-match, il a jamais pété un plomb. Et là, tout d'un coup, il pète un plomb en reparlant de ça, comme s'il voulait partir. Comme s'il voulait partir et partir la tête haute. Moi, c'est ça qui me gêne. Tout simplement parce que sur les dernières heures, sur les derniers jours, les dernières heures, il n'a pas eu ce qu'il voulait. Tout simplement. Il a dû faire des demandes qu'il n'a pas eu parce que les Girondins sont sur des dossiers chauds. Alors après, est-ce que c'est effectivement des joueurs qui pourraient, on parlait notamment de Catermol, le joueur de Sunderland, est-ce que vraiment ça vient de là aussi, du fait qu'ils n'aient pas réussi à négocier, de faire venir son joueur, son homme à tout faire, soi-disant, qui aurait voulu aux Girondins de Bordeaux. T'as vu les noms des joueurs qu'ils voulaient, sérieux? Les choix de Poyet, c'est des joueurs de D2, de D3. Si jamais à Bordeaux on avait fait un recrutement de joueurs comme ça, Marc, tu les connais pas. Laisse-moi finir. Ils jouent en D3 d'Angleterre, en D2 et D3 d'Angleterre, excuse-moi, il y en a un, il est remplaçant en Italie. Je suis désolé, si aujourd'hui, il y a 2 ans, Bordeaux se permettait de faire un mercato comme ça, mais la direction en aurait pris plein la tronche. Moi, ce que je vois et ce que je lis sur les réseaux sociaux et qui me dérange, dans le sens où personne n'a connaissance réellement des 20 noms proposés par les Girondins de Bordeaux, mais tout le monde est capable de dire que les choix de Poyet étaient mieux que ces noms-là. Moi, c'est là où j'ai du mal avec les supporters à me positionner. Je suis pas un anti-Poyet parce qu'au contraire, j'étais plutôt content du travail. Ça avait été fait depuis 6 mois, et franchement, ça me fait chier ce qui se passe. Je veux pas être dédaigneux avec les ceux qui sont pour Poyet à fond. Mais ceux qui sont pour Poyet, si tu regardes bien, c'est ceux qui ont aimé sa conférence de presse. Parce que clairement, sa sortie était atypique. Voilà, elle était atypique cette sortie. On n'avait jamais vécu ça à Bordeaux. C'est vrai que ces derniers temps, on va pas se mentir, avec Jocelyn Gorenec, et puis même si on remonte avec Francis Gillot, même Laurent Blanc, on avait plutôt des conférences de presse très plates, sans grande saveur. Là, c'est sûr qu'en une soirée, même depuis qu'il est arrivé, mais là, en une soirée, on a vécu quelque chose d'incroyable. Et je pense que les gens qui sont un peu en attente de voir Bordeaux retrouver ses vertus, retrouver soi-disant ses valeurs perdues, bah là, ils ont trouvé en Gustavo Poyet, sur cette sortie-là, un homme qui, soi-disant, avait les coronesses, comme il le dit lui-même, entre guillemets, de parler, de dire des choses. Sauf que, malheureusement, cette sortie masque réellement le contenu de ce qu'a dit Gustavo Poyet, qui est quasiment, pour la plupart, du mensonge. Voilà. Et donc, effectivement, c'est bien d'avoir un entraîneur qui crie, qui parle mal, en l'occurrence, c'est ce qu'il a fait, notamment envers Aurélie Carré, la attachée de presse des Girondins de Bordeaux, c'est honteux. Je veux dire, il dit Gustavo Poyet, il dit lui-même... Ouais, mais à quel moment, elle a le droit de lui dire qu'il faut qu'il se taise? Oui, voilà, c'est ça. Parce que c'est son rôle. Dans les conférences de presse. C'est son rôle d'attaché de presse. Mais ouais. C'est son rôle. Ouais, mais alors ça, il y a une façon de le faire. Enfin, moi, je trouve pas la communication. Attendez, écoutez-moi. L'attaché de presse, elle gère la communication du club. Son rôle, c'est quand elle estime que le club peut être bafoué, elle arrête immédiatement la conférence de presse. Là, en l'occurrence, l'entraîneur a dit lui-même, tu te tais, tu dégages, mais il peut le faire. mais pas dans la façon dont il le fait. Oui, voilà, c'est tout. C'est vrai qu'il a peut-être été un petit peu... Il peut lui faire un signe, gentiment, un sourire, en lui disant, tu te tais, et on comprend, tu te tais, je continue, mais pas en le disant comme ça, devant des caméras, ça ressort ouais, sur après, donc, après... à sa place, à Aurélie Carré, qui a des enfants, qui a un mari, etc., c'est pas super marrant. Ouais, mais après, si tu veux, j'ai pas trouvé. Alors, tu vois, j'ai trouvé que c'était pas correct de la part de Poyet. J'ai pas trouvé non plus la façon dont elle est intervenue bonne non plus. Enfin, tu vois. Oui, elle a coupé trop sec. Elle est aussi rentrée. En gros, elle voyait que ça débordait, qu'elle savait pas comment l'arrêter. Elle lui est rentrée dedans. Entre guillemets, vous avez regardé bien la conférence de presse ? Parce que après le moment où elle dit ça va, ça suffit, et qu'il lui dit ça, il y a rien de plus intéressant que ce qu'il avait dit avant. Ouais, après moi il y a quand même, enfin juste bon, on va pas faire le débat là-dessus, mais enfin sur non, le... non, non. Mais je trouve que moi ce que les gens qui aiment, je dis pas qu'il faut pas aimer Poyet, peu importe, d'ailleurs je vais vous dire très franchement, je trouve que il a mené vraiment quelque chose au Girondins depuis qu'il est arrivé, notamment sur le terrain, etc. Je trouve qu'il a la grinta, c'est vrai, tout ça est vrai, mais sauf que ce que les gens ont apprécié hier, c'est tout simplement du mensonge et qu'il les a bernés et qu'ils sont tombés dans le voilà, dans le panneau. Mais le problème aussi hier, c'est quand on parle de franc-parler, il y a beaucoup même des journalistes reconnus qui ont dit oh, enfin quelqu'un qui parle franchement et tout ça. Et on a l'impression que c'est des journalistes d'où, des journalistes parisiens, qui voilà. Ça de loin. Ouais, mais alors que c'est une aberration, mais n'importe quel entraîneur, on se plaint de la langue de bois parce que oui, ça fait pas. Oui, de voilà, c'est j'allais te dire pour une fois mais qu'il y a un mec qui dit au moins, il a au moins le mérite de dire ce qu'il pense, que ça soit oui, vraiment un entraîneur, vrai. Les gars, un entraîneur du Paris Saint-Germain qui fait ce genre de sortie, le lendemain, il se fait mais démonter comme jamais, démonter. Donc nos amis les Parisiens, notamment sur les réseaux sociaux, j'ai pu lire les journalistes parisiens, sont les mêmes qui aujourd'hui disent bravo Poyet, il a envoyé du bois. Mais sont les mêmes qui auraient critiqué un entraîneur du Paris Saint-Germain qui aurait fait ce genre de sortie. Mais voilà. Y a un problème sur ça, en fait, vu que c'est pas une question, même pas une question de Gustavo Poyet ou autre, c'est une question d'un positionnement d'entraîneur. Y a que Mourinho qui fait ce style dans un degré moins de sortie où il tacle sa direction et tout ça en disant qu'il a pas les joueurs qu'il faut, etc. Ouais, sauf que c'est Mourinho. Mais même si je l'aime pas. Le problème avec ces sorties là. Et se livrer au public et en fait prendre la direction un peu en otage en disant ben voilà, moi je dis ce que je pense, les gens vont croire que c'est la vérité, c'est peut-être la vérité. Mais le problème, c'est que derrière, c'est l'institution qui est touchée, et c'est pour ça que les entraîneurs ont besoin d'utiliser la langue de bois, parce que on ne peut pas tout dire devant la presse, parce qu'il y aura des interprétations derrière, et que l'institution sera bafouée. Non, mais le problème, c'est qu'il y a trop de non-dits depuis des années aussi. Oui, et les gens, ouais, non, mais tu peux pas tout dire, mais à un moment donné, tu dois dire aussi des choses. Parce que, mine de rien, il y a, alors je sais qu'on n'est pas forcément tous d'accord, mais le club est sur une pente descendante sportivement depuis des années. Il y a un agacement des supporters, parce que les anti-Poyet, ok, ce sont ceux qui aiment la déclaration, Julien, mais c'est aussi des gens qui sont déçus. Pro-Poyet. Ouais. C'est des gens aussi qui sont déçus sportivement du club, parce que le club n'arrive plus à répondre aux attentes des supporters, tout simplement. Et le club n'arrivait pas à répondre aux attentes du supporter parce qu'il y avait un gros problème financier. Enfin, je veux dire, on a du mal à et aujourd'hui, on le savait, peut-être qu'avec l'arrivée des investisseurs américains, ce sera mieux, mais on n'avait pas la possibilité de concurrencer le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, l'Olympique de Lyon, Monaco. Je pense que l'OGC Nice, presque aujourd'hui, qui ont des investisseurs qui arrivent à mettre des thunes comme ils l'ont fait pour Balotelli. Bordeaux n'avait pas, et pourtant Bordeaux est pas si mal que ça finalement quand on regarde un peu avec et qu'on analyse tout ce qui se passe en Ligue 1. C'est pas si mal que ça. Julien, quand tu vois quand même que tu vends quand même Malcolm 41 plus 2 ou millions, je sais plus exactement, t'es en droit de t'attendre un peu mieux que ce que t'as. Mais voilà, mais c'est compliqué. J'arrive à concevoir la frustration, parce que moi-même je suis frustré quand je vois la qualité du jeu proposé par les Girondins, qui est de chaque année de moins bonne qualité. Ça on peut pas. Je veux dire, ce serait la palisse de pas dire le contraire. Enfin, je veux dire, voilà, effectivement, il y a un déficit par rapport à ce qu'on a vécu, parce que on a vécu des choses extraordinaires en 2009 et même en 2009-2010. Bon, c'est compliqué, l'après-champion, titre de champion a été pas très bien géré, et ça clairement, et je pense qu'on demandera à Nicolas de Taverneau il dirait la même chose. Ça n'a pas été bien géré. Bon, aujourd'hui, il y a une page qui va se tourner. Voilà, c'est vrai que cette page, il faudrait vite qu'elle tourne. Il y a quelques réactions que je voulais lire sur Twitter pendant que tu es là. Puis si tu veux réagir, tu pourras. Et j'ai une dernière question pour toi. Sur Twitter, on nous dit, Luc, le vrai problème là-dedans, c'est la gestion du mercato. Tout le monde se renvoie là-bas et se contredit. Le club, on dit que Poyet a refusé plein de joueurs, mais les dirigeants n'arrêtent pas de dire que c'est eux qui dirigent et pas Poyet. C'est vrai que... Il y a quand même un argument, moi j'ai du mal à entendre de la part du club, c'est ah ouais mais le Poyet il fait chier, il a refusé plein de noms. Ouais mais à rien à un moment, si l'entraîneur il pose un problème dans le recrutement, eh ben tu recrutes sans lui et c'est toi qui... Ou tu le dégages. Dégage, on va en revenir tout à l'heure. Mais où c'est toi qui définis quelle est la direction sportive et c'est toi qui fais le recrutement. Et si l'entraîneur ça ne convient pas, il est libre de prendre la porte et de s'en aller. Ou alors il compose avec son groupe. Ça me gêne quand même. Tu vois. Le but dans un club... c'est de travailler en symbiose. Que tout mais le monde, quand c'est pas possible. Attirer... Non mais si, il faut que ce soit possible. Je suis désolé, tu peux dire ce que tu veux, il faut que ce soit possible. C'est comme ça. Dans un club, dans une entreprise, les gens, on essaie que tout le monde travaille en symbiose pour qu'il y ait des résultats et pour que tout se passe bien. Là, en l'occurrence, s'il y en a un qui tire dans son sens ou que l'autre tire dans l'autre sens, je veux dire, à un moment donné, la corde, elle casse. Bon, mais là, c'est ce qui s'est passé. Les Girondins, effectivement, je pense, et je crois que si on leur demandait, ils seraient d'accord, cette histoire de vente, elle a vraiment cassé le mercato pour les Girondins. Et là, le mercato s'est accéléré ensuite quand la vente a été officialisée. Sauf qu'une fois que la vente a été officialisée, Gustavo Poyet pensait que c'était trop tard. Donc il a refusé tous les noms qui lui ont été proposés. Et en l'occurrence, les Girondins étaient un petit peu dans l'expectative. Et donc ont entendu. On fait quelques noms et quelques coups comme ça a été fait avec Palencia là, il y a quelques jours. Mais bon, en l'occurrence, à force d'attendre, c'est sûr que je comprends les supporters qui sont déçus. Mais... il faut que tout le monde travaille en symbiose. Il va falloir trouver un entraîneur qui sera d'accord de travailler avec le président Martin, avec Ulrich Ramé, pour que tout ça en symbiose, ça forme une superbe équipe. Mais bon, ça, il faut le négocier au départ avec tout le monde. Apparemment, Gustavo Poyet était au courant. Donc, est-ce qu'il n'a pas bien compris ses prérogatives aux Girondins? Ça, je ne sais pas, il faut lui demander. Mais moi, je pense que il s'est cru manager, quoi. À Bordeaux, il ne l'est pas. Voilà, il était simple entraîneur. Julien, on va devoir terminer. Donc, on rappelle qu'on peut t'écouter donc dimanche Toulouse-Bordeaux. Et puis après, est-ce qu'il y a un après-match ou pas? Il y aura un après-match. Alors, même un petit peu, du coup, exceptionnellement, je vais amener Laurent Brun avec moi au stadium. Et donc, on va se faire un avant-match où on va essayer un petit peu d'analyser ce qui s'est réellement passé dans les coulisses du Matmut Atlantique pour ce match. Voilà, donc l'avant-match à partir si tu veux des intervenants si tu veux des intervenants de qualité, tu sais que Girondin analyse là. Mais je serai sur place, je vais essayer si je te croise Julien, je serai à Toulouse normalement si avec tout va bien. Avec plaisir. Je viendrai te faire un petit coucou et puis très prochainement on l'espère pour ce qui devrait arriver à l'automne. Ouais, l'arrivée de Zinedine Zidane. Non, qui te concerne toi et ton collègue Laurent Brun. Effectivement, ouais, le prochain livre qui sortira début novembre normalement. Eh bien, voilà. Écoute, on espère que vous aurez le temps de passer dans l'émission pour en parler un petit peu avec nous. Ça sera un grand plaisir, comme d'habitude. Plaisir. Merci Julien. Merci les gars. Merci à toi. Merci Julien. Bonne soirée. Ciao. Ciao.